C'était une idée. Hein. Pas d'idée. Ok. Pas mal ça. Ouais. Rejoue-le. Bon, on va faire très simple. Ouais. Thank you. demander un texte à mon ami Chat. Salut Cham. Another fail storm won't pass by. Another spread to go.